Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Sur Balade. Kilomètres, ton visage brille. Les protège. Je suis amoureux, complètement amoureux de l'intensité de notre amour. Chaque papillon qui colore nos sentiments. Je suis amoureux, oh, pour toujours amoureux. Toute la musique que j'aime sur Balade.